Ok. La crise au Mike, mec. Je me rappelle. Ouh, ouh. Mais tu ne pas faire le coup. Ça fait des manières que je suis pas content. Ils sniquent tous, ils s'appellent tous mon sang. Je suis avec la famille, on passe du bon temps. Y'a qu'avec les vrais qu'on se comprend. Faut viser la lune, les étoiles. Tu sais qu'on part du sous-sol. J'fais un petit AR en Espagne. J'passe par la Costa del Sol. Mon petit de la tête fait des papels. Il veut être le boss du cartel. Elle fait plein de manières, ma demoiselle. Elle sait qu'elle est belle, elle fait sa belle. J'sais pas à quoi tu joues, joues, joues. Tu fais des actions, t'as pris un coup, coup, coup. J'te fais confiance, j'suis un fou, fou, fou. Allez, viens, on se parle, plus on oublie tout, tout, tout. Y'a qu'un chiquita que j'm'attache. Faut qu'on se parle, qu'on se rapproche. Impossible que j'tombe la page. Même si on se dispute, qu'on s'accroche. Y'a qu'un chiquita que j'm'attache. Faut qu'on se parle, qu'on se rapproche. Impossible que j'tombe la page. Même si on se dispute, qu'on s'accroche. J't'ai revu, t'étais à peine pressé. Tu m'as dit, Nabila, j'ai le cœur cassé. Ça m'a mis de côté, ça voulait m'effacer. J'sais que tu sais, ça voulait me remplacer. Viens, prends la caisse, on met les voiles. Sous le soleil, sous les étoiles. J'ai pas changé, moi c'est toi. Chacun son poids sur les épaules. J'ai pas oublié comment tu parlais dans le vent. Combien tu m'as fait des manières quand j'avais pas un vent. Je sais pas à quoi tu joues, joues, joues. Tu fais des actions, tu as pris un coup, coup, coup. Je t'ai fait confiance, je suis un fou, fou, fou. Allez, viens, on se parle plus, on oublie tout, tout, tout. Y'a qu'un chiquita que je m'attache. Faut qu'on se parle, qu'on se rapproche. Impossible que je tombe la page. Même si on se dispute, qu'on s'accroche. Y'a qu'un chiquita que je m'attache. Faut qu'on se parle, qu'on se rapproche. Impossible que je tombe la page. Même si on se dispute, qu'on s'accroche. Vini, Vici, Vici, Marseille, City, City. Ça parle pas pour ti, urti. Faut esquiver Vici, Vici. Vini, Vici, Vici, Marseille, City, City. Ça parle pas pour ti, urti. Faut esquiver Vici, Vici. Y'a qu'un chiquita que je m'attache. Faut qu'on se parle, qu'on se rapproche. Impossible que je tombe la page. Même si on se dispute, qu'on s'accroche. Y'a qu'un chiquita que je m'attache.